Alors, comment se sont passées tes vacances? Complètement raté. J'aurais mieux fait de pas partir. Vraiment? Eh oui. D'abord, si j'avais su, je ne serais pas partie avec Émilie qui était toujours de mauvaise humeur. En plus, j'aurais pas dû choisir cette plage qui était nulle. Et votre hôtel, c'était comment? Si seulement j'avais réservé à l'avance, nous aurions eu une jolie chambre. Mais bien sûr, nous avons eu la chambre la plus moche. Tu sais, je regrette presque d'avoir pris des vacances. La prochaine fois, pars avec moi.